Vous écoutez toujours Futur Simple, toujours à l'antenne de CKRL au 89,1. Et après cet entracte publicitaire, on va redescendre sur Terre en compagnie d'Adeline Parent. Bonjour Adeline. Donc Adeline, tu vas nous entraîner sous Terre, même là où sont les gaz de schiste. Alors on sait qu'il y en a au Québec, il y en a dans les autres provinces canadiennes, on sait qu'il y en a aux États-Unis. Puis bon, on oublie un petit peu qu'il y en a ailleurs sur Terre aussi, notamment il y en a en France par exemple. Et tu nous proposes de comparer la situation des gaz de schiste entre la France et le Québec. Oui, exactement. Mais tout d'abord, je vais peut-être faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est. Parce oui, que bien sûr. On fait souvent des amalgames entre gaz de schiste, gaz shale gaz, ouais, etc. C'est plusieurs termes qui finalement veulent dire la même chose. C'est juste que c'est pas la même langue. On utilise par exemple gaz de schiste en France et plutôt ici c'est gaz shale et aux États-Unis shale gaz. Je pense qu'on utilise beaucoup gaz de schiste ici aussi. Oui, mais j'ai vu souvent dans la littérature plutôt gaz de shale. Enfin, en tout cas, ça veut dire la même chose au final. D'accord. Mais ce qui est donc important, c'est que on a plusieurs facteurs en fait qui sont maintenant. Enfin, on a un engouement en ce moment sur les gaz de shale, et il faut comprendre pourquoi. Entre autres, parce que les compagnies pétrolières et certains pays veulent s'extraire de la dépendance du Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient détient les trois quarts du pétrole. Et la Russie, qui, elle, détient la grande partie du gaz conventionnel. Et l'Iran aussi, je pense. Il y en a beaucoup en Iran. Oui, effectivement. Ouais. Ensuite, les réserves de gaz, forcément, diminuent. Donc, si les réserves de gaz naturel diminuent, on veut trouver autre chose, puisque pour l'instant, on n'a pas de choses alternatives. On a également les prix qui sont de plus en plus élevés. Et surtout, les technologies ont évolué et maintenant permettent, justement, l'exploitation des gaz shale. Si je vous donne un exemple, aujourd'hui les gaz de schiste sont produits principalement aux États-Unis, donc ça tout le monde le sait, tout le monde l'a bien compris, et ils représentent 12% actuellement de la production des gaz. 12% de la production aux États-Unis ou aux États-Unis, okay, aux États-Unis. Alors qu'en 2000, donc il y a encore quoi, 11 ans, c'était seulement 1%. Okay. Au niveau mondial, comme tu l'as dit tantôt, on peut en trouver quasiment partout, mais les principales zones se trouvent donc au Canada, en Chine, en Australie, en Inde, en Europe, et donc plus particulièrement Pologne, Ukraine et surtout la France. D'accord, mais donc c'est quoi finalement le gaz de schiste par rapport au gaz conventionnel? Voilà, alors il y a le terme conventionnel et non conventionnel sur lequel on va revenir, mais le gaz naturel est un combustible fossile, donc ça aussi, il faut bien le concevoir, donc c'est pas une énergie renouvelable ou des choses comme ça. Il s'agit donc d'un mélange d'hydrocarbures qui est présent naturellement dans les roches poreuses. Et par titre de comparaison également, si jamais on regarde les sources d'énergie utilisées actuellement dans le monde, dans le premier c'est toujours le pétrole, le deuxième c'est le charbon et le gaz naturel arrive quand même en troisième position. D'accord. Et on voit souvent dans les journaux, donc comme je le disais là, terme gaz conventionnel, non conventionnel, peut-être que j'ai fait une erreur en parlant de conventionnel, non conventionnel, donc qu'est-ce qu'il en est? En fait, la différence est la suivante. Dans le système conventionnel, on a le système de roche-mère, puis la roche-réservoir, puis le piège. Ouais. Dans le non conventionnel, la roche-mère est égale à la roche-réservoir. Ça se produit. D'accord. Donc, il y a la production du gaz. Il n'y a pas de migration, en fait. D'accord. Ouais. Ça se stocke. Il est encore piégé dans la roche-mère. Voilà, exactement. D'accord. Tandis que dans le système conventionnel, il y a la roche-mère, une roche réservoir et un piège, ça veut dire que il y a des migrations de l'un vers l'autre, exactement, vers la zone piège. Exactement. Et on peut donc se douter également que le principe même du système conventionnel, le fait d'avoir une migration, fait que on peut perdre justement du matériel. Donc, par exemple, quand le pétrole migre d'un point A à un point B, si jamais il n'y a pas le piège adapté à côté, il peut genre revenir à la surface. Or, si jamais la roche mère est égale à la roche réservoir, on peut plus facilement garder le pétrole ou justement le gaz. Donc le gaz conventionnel, c'est celui qu'on a l'habitude d'utiliser tout le temps. C'est celui qu'on a récupéré, c'est celui qu'il y a en Russie par exemple ou aux États-Unis. Sa formation est similaire donc à celui du pétrole. C'est le principe même de justement, on a la roche mère qui produit le pétrole ou le gaz, enfin à la suite le gaz, et ensuite on a la migration vers la roche réservoir, puis on a le piège. Donc migre pourquoi au fait? C'est plus léger parce qu'il y a des pressions. Voilà, c'est une différence de pression, c'est de la capillarité. D'accord. Ce serait même carrément un sujet à part si jamais je devais venir à expliquer exactement d'accord. ce que c'est. Il existe par exemple un autre gaz conventionnel qui n'est pas exploité, c'est le gaz associé. C'est un gaz présent en solution dans le pétrole en fait. On le sépare normalement lors de l'extraction du pétrole justement. Et pendant longtemps, il était considéré comme un déchet. Alors, il faut essayer de s'imaginer qu'on avait le système de torchère, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand, en fait, on récupérait le pétrole, on brûlait le gaz. Mm-hmm. Et comme on n'avait pas l'idée de l'utiliser. Non, voilà, c'était magique. On l'enlevait, on le brûlait, et voilà, ça faisait des immenses torches. Justement, c'est les images qu'on a un petit peu dans le passé, justement, des sortes de grands puits, et puis on avait une sorte de flamme incessante au-dessus. Ouais. Et c'est ça, c'est le système de la torchère. Donc, parce qu'on ne savait pas le récupérer, peut-être. Aussi, mais vraiment parce qu'ils s'imaginaient que c'était un déchet. C'était, le pétrole, c'était ça qui les intéressait. Ouais. C'était pas tant le gaz en tant que tel. Mmh. Donc, ils le brûlaient. Mais maintenant, aujourd'hui, on a fini le gros gaspillage et une partie est soit réinjectée dans le système pétrolier. Donc, grâce à ça, on maintient une pression dans le puits. On maximise l'extraction du pétrole aussi. Mmh. Soit on le valorise. Mais encore actuellement, par exemple, il y a 150 milliards de mètres cubes de gaz par an qui sont brûlés encore en torchère. Ah oui. Et donc, je voulais juste faire une comparaison et insister sur ce point. La France consomme environ 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Donc, ça veut dire que chaque année, à cause de ces systèmes de torchère, on gaspille la consommation annuelle de 235 millions de Français. Oui, c'est assez sidérant. C'est hallucinant. Surtout quand on sait que c'est pas renouvelable. Enfin, je sais pas. C'est plusieurs fois la population de la France. Finalement. Oui, c'est 3,75 fois la population de la France, en tout cas. Ouais. Donc, parlons de ce qui nous intéresse, donc les gaz non conventionnels. Donc, on a, vite fait, on fait un petit panorama. Le gaz biogénique, qui est le gaz qui est issu de la fermentation des bactéries dans des sédiments. Mm-hmm. On a le gaz de charbon. Donc, le charbon, en fait, contient naturellement du méthane et du dioxyde de carbone dans ses pores. Et donc, historiquement, on sait que ce gaz est menacé, en fait, la vie des mineurs. Et ah donc, oui. C'est pour ça que les... Les coups de grisou, c'était associé à des poches de méthane dans les mines de charbon. C'est ça, d'accord. Exactement. Bon, maintenant, tout comme le système de torchère, en fait, on essaye de récupérer ce gaz. Et donc, les États-Unis et la Chine sont sur le projet, on va dire. Mm-hmm. Et donc, enfin, on parle du sujet, les gaz de schiste. Donc, je rappelle, le terme schiste, en fait, ça désigne en français une roche sédimentaire argileuse. Mm-hmm. Mais en fait, plus généralement, c'est juste en fait la stratification. C'est le fait qu'elle soit litée, en fait, le schiste, le terme schiste. Donc, c'est pour ça que c'est en feuillet, là, litée. Exact. D'accord. Donc, si jamais on doit parler de gaz de schiste, en fait, on doit parler justement de gaz de schiste argileux. D'accord, c'est bien long. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise shale au final. Shale, ça veut dire justement schiste argileux. Ah, d'accord. Si jamais on fait, donc on vient à savoir qu'est-ce que le schiste justement, donc le schiste argileux, il faut savoir que la particularité du schiste, c'est qu'elle doit avoir une particule inférieure à 2 micromètres, donc on s'imagine que c'est très très fin. Ça, c'est le feuillet qui fait 2 microns, c'est ça? Non, c'est les grains. Les grains? Les grains à l'intérieur du schiste, de l'argile, d'accord, doivent faire moins de 2 micromètres, okay. Donc on s'imagine un matériel très très fin, c'est très peu poreux surtout aussi. C'est ça qui est important. Ensuite, on sait que c'est une roche qui est sédimentée dans un fond calme. Il peut être marin ou lacustre. Mm-hmm. Par exemple, pour celui qui est marin, on a les schistes en carton qui datent du Jurassique. Schistes en carton. Schistes en carton. En tout cas, c'est français. Ouais. Ils datent du Jurassique. Certains schistes contiennent donc du gaz, donc nos fameux gaz de schiste, ouais. Et qui sont répartis de manière diffuse dans la roche. Donc, ils ne sont pas localisés à un endroit comme un piège. Comme dans le fameux gaz conventionnel, mm-hmm. Où les non-conventionnels, ils sont généralement répartis dans toute la roche, mm-hmm. Donc plus difficiles à récupérer, et donc ils ne peuvent donc pas être exploités de façon classique. Mm-hmm. Et je donc finis en disant que il est exploité, au lieu d'être bloqué dans un réservoir, il est piégé dans cette roche de partout en fait. D'accord, donc il est uniformément réparti entre les grains, par-ci par-là, oui, au lieu d'être dans une poche où on peut aller l'aspirer. Donc dans la définition de gaz schiste, ce qui est surtout important, c'est les deux mots, c'est réparti de manière diffuse et dans une roche peu perméable. Ouais. Et ça signifie que l'extraction va être compliquée. Et c'est une technique particulière. Donc, on creuse un puits vertical basique. Puis après, en fait, on creuse des puits horizontaux, le long, justement, de la stratification, mm-hmm. du litage. Ensuite, on injecte de l'eau à très, très forte pression. Et c'est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Et ensuite, on y ajoute à l'intérieur de cette forte pression du sable fin et des produits chimiques. Donc, ça, c'est tout le principe que ça pose problème parce que ça fait de la pollution, etc. Ouais. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu ce que c'était. Mmh. On parlait de faire un comparatif France-Québec, donc le potentiel au Québec, le potentiel en France peut-être. Voilà, donc au Québec, dans toute la vallée du Saint-Laurent, on a nos gaz de l'Utica. On peut les voir par exemple à la chute de Montmorency. On les voit, c'est une roche noire stratifiée. Elle date de l'Ordovicien. Utica, c'est le nom de la formation géologique. D'accord. Voilà, c'est ça. Ensuite, donc on peut peut-être exploiter cette ressource si et seulement si la preuve est faite que l'échelle d'Utica que l'on trouve au Québec ont une capacité de production comparable au shale dans plusieurs États américains. Sinon, elle sera laissée en suspens. Jusqu'à ce que donc, le prix soit forcément plus élevé et que donc on puisse être plus rentable. Résultat, donc ce principe, c'est que de plus en plus de compagnies américaines et canadiennes sont intéressées par justement le potentiel des shales, du Utica. Et la raison principale, c'est qu'elles ont les mêmes caractéristiques géologiques et géochimiques en fait, que les États-Unis. Donc c'est en fait la même chaîne. Ouais, donc on va dire qu'il y a le même potentiel. S'il y en a aux États-Unis, il va y en avoir ici aussi. Voilà, c'est ça. Pour le potentiel de la France, le gros sujet. Ouais. En mai 2010, en fait, le ministère de l'écologie a donné 3 permis d'exploration des gaz schistes au groupe Total, GDF Suez, et etc., dans le sud de la France, sur une zone de 10 000 km². En fait, dans cette zone, il se situe des gaz schistes du bassin du Lias, bon, peu importe. Le gaz représente dans cette roche peut-être équivalent à 2,4 trillions de mètres cubes donc de ça, gaz. Donc ça, j'imagine que c'est beaucoup. C'est énorme, donc c'est très intéressant. Ouais. Mais forcément, il faut également savoir si ça va être rentable, parce que nous, on a des, c'est un peu plus compliqué. Les techniques, on ne les connaît pas bien, c'est plutôt les États-Unis qui les connaissent, etc. Et donc, le coût de production de gaz est déjà élevé, mais elle va être beaucoup plus chère, en fait, du côté de l'Europe, parce que, justement, il faudra aller chercher le savoir-faire aux USA. Ouais, il faut acheter le savoir-faire. Il faut l'importer, voilà. Il faut l'acheter, il faut l'échanger. Exactement. Ouais. Et ça se monnaie cher. Ouais. Ensuite, il faut développer le matériel de forage. Ouais. C'est aussi une autre compliquée. C'est aussi quelque chose de compliqué pour nous. Et enfin, la concurrence est bien moindre qu'aux États-Unis. Donc, au niveau du prix, en fait, on ne peut pas faire jouer la concurrence. Mm-hmm. Voilà l'autre problème. Bon, évidemment, il y a quelques mois, il y a eu une mobilisation citoyenne. Oui, c'est ça, je me demandais, est-ce que les Français sont prêts à cette exploitation ? Non, on est en fait, comme ici, on a beaucoup peur de ce qui se passe, de qu'est-ce que ça va faire sur les nappes phréatiques, de quelle est l'implication sur l'environnement, etc. Donc, la France, c'est l'actualité en ce moment. On parle de moratoire également, tout comme ici. Il y a des spots, il y a Gazland, un film qui va sortir dans pas longtemps. Ah ouais ? En fait, je pense d'ailleurs qu'il est sorti cette semaine, Gazland, donc, qui parle justement des risques, des gaz shale, des gaz de schiste, aux États-Unis entre autres, c'est un film américain. Donc en fait, il faut surtout prendre des points de conclusion. Et celui-là, ce sera surtout de faire un dialogue avec les populations riveraines. Mm-hmm. Alors, les industriels pensent que c'est pas bien de trop discuter avec les locaux, etc. Mais je pense personnellement que ça pourrait permettre d'avoir un système avec des conditions durables, de pouvoir justement réfléchir à l'écologie, réfléchir à l'environnement, réfléchir à tout ça. Moratoire, c'est un petit peu extrême, mais en tout cas, ça peut être une façon de discuter. Le temps de réfléchir, de poser les bonnes bases. Exactement. Mais sinon, il y a surtout un point essentiel à souligner pour faire une comparaison États-Unis-Europe et États-Unis-Québec. Ouais. C'est que pour comprendre pourquoi l'exploitation s'est massivement développée aux USA, c'est seulement parce que la distribution des royalties a été donnée aux propriétaires des terrains, car ils détiennent un droit sur le sous-sol, contrairement à l'Europe et le Québec, qui n'a pas droit, en fait, de droit sur le sous-sol. Ça appartient à l'État. Mm-hmm. Donc, moi, je pense personnellement que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a bien marché aux États-Unis et que pour l'instant, il y a encore des... Bah, c'est peut-être une bonne protection, finalement. Ouais. Peut-être pas si mauvais que ça. Mais je retiens aussi, parce que tu dis qu'il faut parler avec les populations riveraines. Et si les gisements sont loin, dans le nord, par exemple, comme c'est le cas, je pense, en Colombie-Britannique, il y en a du gaz de schiste qui sont exploités. Puis c'est loin au nord et personne ne s'en inquiète. Oui, parce que... Et pourtant, les écosystèmes sont quand même à côté. Ah non, mais de toute façon, on est d'accord là-dessus. Ouais. Hein, à chaque fois, c'est si jamais c'est près de chez nous, tout d'un coup, on regarde ce qui se passe. Quand c'est loin, on ne voit pas, on est aveugle, on dit rien. Oui, c'est ça. Donc, je pense que ce n'est pas juste avec les populations locales qu'il faut parler. Même s'il n'y a pas de population locale, il faut quand même en parler parce qu'il y a une faune locale, de toute façon. Non, mais ça, c'est sûr. Si jamais on pouvait avoir justement des organisations qui s'occupent de ça, ce serait bien. Mais à partir du moment où ça regarde justement proche de chez nous, on est beaucoup plus regardant sur le sujet. Bien, merci beaucoup, Adeline, de nous avoir fait ce tour d'horizon des gaz de schiste donc en France, aux États-Unis, au Québec. Merci beaucoup, Adeline. Je t'en prie. Et on part vite fait en pause musicale, toujours sur CKRL au 89,1.